الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Durant le dernier cours, on avait expliqué le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le hadith 169. Qui nous le récite? Hadith qui est court, simple, facile. Tafadhal Amin. Al-Ajma'u Wal-Bir Wal-Bi'ru Wal-Ma'dinu Al-Khumus. Naam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fik. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السبعون بعد المئة le 170e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه البخاري ومسلم. Le 170e hadith, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Omar radiyallahu anhu afin de récupérer la zakat. Il lui a été dit que Ibn Jamil, Khalid ibn al-Walid et Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont abstenus de donner la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quant à Ibn Jamil, il ne reniera pas le fait qu'il était pauvre et qu'Allah l'ait enrichi. Quant à Khalid, vous êtes injuste à son égard. Il a mis à disposition ses armes, ses armures et ses armes dans le sentier d'Allah. Et quant à l'Abbas, elle est pour moi et sa semblable. C'est-à-dire sa zakat, elle est pour moi et sa semblable. C'est-à-dire deux fois la zakat que devait donner Al-Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Thumma qal, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Oh Omar, ne sais-tu pas que l'oncle d'un homme, l'oncle paternel d'un homme, est semblable à son père ?» رواه البخاري ومسلم. الغريب. Les termes qui méritent explication. أولا ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ينقم بكسر القاف. معناه ما ينكر. وهذا السياق معناه عند البلاغيين تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو من لطيف الكلام. اعتاده مفرده عتاد بفتح العين. والأعتاد آلات الحرب من السلاح وغيره. ثالثا صنو أبي هذا تشبيه للأخوين فأكثر من أب واحد وهم فروعه كالنخلتين فأكثر تفترقان من أصل واحد والصنو بكسر الصاد هو المثل. رابعا ابن جميل بالجيم المفتوحة بعدها ميم مكسورة سماه بعضهم حسينا وبعضهم عبد الله. ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. Il ne reniera pas, en parlant d'Ibn Jamil, qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. C'est-à-dire qu'il ne reniera pas. Et Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont expliqué les savants de l'Balagha, c'est appuyer un reproche par ce qui ressemble à une éloge. Ici, le fait de ne pas renier d'être pauvre et qu'Allah nous ait enrichis, est-ce que c'est un bien ou pas? Je ne renie pas que j'étais pauvre et qu'Allah m'a enrichi. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Non, je ne renie pas. Je ne renie pas que j'étais pauvre et qu'Allah m'a enrichi. Donc ici, c'est une qualité, c'est une éloge que le prophète a fait en parlant de Ibn Jamil, mais dans le but de faire un reproche, c'est-à-dire il s'abstient de donner la zakat alors qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. Donc ici, ça on dit, taqidu dham, c'est appuyer un reproche par ce qui ressemble à une éloge. Wa huwa min latif al kalam, et c'est quelque chose de très, c'est une parole très subtile qui a du sens. A'tadahu, en parlant de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qu'il a mis à disposition ses armures et ses armes, a'tad, qui est le pluriel de itad, qui sont des instruments de guerre, des armes de guerre. Sinu abi, en parlant de l'oncle paternel, qui est le semblable de, ne sais-tu pas que l'oncle paternel d'un homme est semblable à son père? C'est-à-dire, ceci est une comparaison qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les frères d'un même père et qu'ils sont semblables, comme deux palmiers qui sont issus d'une même racine. Et al-sinu en arabe signifie le semblable. Ibn Jamil, certains ont dit que son prénom était Hussein, d'autres ont dit que son prénom était Abdullah. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu li jibayati az-zakati ka'adatihi fi ba'th as-su'at. فجاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل يريد منهم الزكاة فمنعوا أداءها فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هؤلاء الثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فليس له من العذر في منعها إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فقابل نعمة الله كفرا وشكره نكرا وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله فكيف يقع منه منع الزكاة من رجل تقرب إلى الله تعالى بإنفاق ما لا يجب عليه ثم هو يمنع ما أوجبه الله عليه فإن هذا بعيد وإما لأنه جعلها أدوات قنية استعملها في الجهاد والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة لأنها ليست من الأموال النامية بالتجارة وغيرها وأما العباس فقد تحملها صلى الله عليه وسلم عنه ويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته ويدل عليه قوله أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه وإما لأنه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ما ورد بسند ضعيف عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Omar ibn al-Khattab radiyallahu an afin de rapporter la zakat, comme cela était dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a envoyé les personnes qui étaient chargées de récupérer la zakat. Omar radiyallahu an s'est rendu chez l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, chez Khalid ibn al-Walid et chez Ibn Jamil. Il leur a demandé la zakat et ils ont refusé de la donner. Omar radiyallahu anhu est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses trois compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à Ibn Jamil, il n'a pas d'excuse dans le fait de s'abstenir de donner la zakat, si ce n'est qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. Il a donc répondu au bienfait d'Allah par de la non-reconnaissance et le fait d'être reconnaissant par du refus. Quant à Khalid, vous êtes injuste dans votre parole en disant qu'il s'est abstenu de donner la zakat, car il a mis à disposition ses armures et ses armes dans le sentier d'Allah. Comment peut-il alors refuser de donner la zakat? Comment un homme pourrait refuser de donner la zakat alors qu'il s'est rapproché d'Allah en donnant ce qui n'était pas obligatoire pour lui, à savoir ses armures et ses armes? Comment peut-il alors s'abstenir de donner ce qu'Allah lui a ordonné de donner? Ceci est très peu probable. Et l'autre explication est, ou sinon, ce qui expliquerait que Khalid ibn al-Walid, radiallahu anh, n'ait pas donné la zakat, car ce qu'il possédait, car les armes qu'il avait en sa possession étaient utilisées pour le jihad. Et les choses qui sont possédées pour utilisation n'ont pas de zakat, car elles ne font pas partie des biens qui augmentent par un commerce ou autre. Quant à l'Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en charge sa zakat. Il y a deux explications de cette prise en charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en charge la zakat de son oncle Al-Abbas, son oncle paternel, de par la place de son oncle. Et ceci est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Omar radiallahu an: ne sais-tu pas que l'oncle paternel de l'homme est semblable à son père? Et la deuxième explication est que Al-Abbas aurait donné la zakat de 2 ans en avance et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait prise de lui. Et ce qui prouverait cette deuxième explication est ce qui est rapporté d'après une chaîne de transmission faible selon Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait récupéré de son oncle Al-Abbas la zakat de 2 ans. ما يؤخذ من الحديث شكون وغتيان دو حديث اولا مشروعيه بعث الامام السعاه لجبايه الزكاه شكون وغتيان دو حديث premièrement que le gouverneur qu'il est légiféré au gouverneur d'envoyer des émissaires pour récupérer la zakat. Et on avait vu dans les cours de l'Oasis que ces personnes qui se rendent pour récupérer la zakat ont même le droit de percevoir un salaire de la zakat. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا comme le dit Allah Azza wa Jalla. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا et ceux qui travaillent dans la zakat, que ce soit ceux qui aillent récupérer la zakat, que ce soit par exemple ceux qui vont faire les estimations, ceux qui vont faire les estimations, etc. Et ceux qui vont donner également la zakat aux pauvres, à la koulihal, ceux qui travaillent dans le domaine de la zakat. Thaniyan, jawazu shakwa man imtana'a min az-zakat ila man yujbiruhu ala ada'iha, wa mithluhu fi shakwa kullu mumtani'in an wajib aw fa'ili muharrama. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé de se plaindre de celui qui s'abstient de donner la zakat, de se plaindre à celui qui pourrait lui forcer et l'obliger à la donner. Également, on retient ou semblable à cela, le fait de se plaindre de quelqu'un qui s'abstiendrait de faire une obligation ou quelqu'un qui commettrait un interdit. Car ici, Omar radiallahu anhu est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité d'imposer que la zakat soit donnée. ثالثا قبح من جحد نعمة الله شرعا وعقلا. Troisièmement, qu'il est mauvais de renier les bienfaits d'Allah, que ceci est mauvais au niveau de la religion, mais aussi au niveau de la raison. Quelqu'un qui te comble d'un bienfait et tu renies cela, la raison de l'être humain le renie. Rabi'an, inna al-ashya al-mawqufata fi sabilillah aw al-mu'iddata lil-isti'mal laysa fiha zakah. وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية. Quatrièmement, on retient de ce hadith que les choses qui sont mises à disposition dans le sentier d'Allah ou les choses que l'on utilise, il n'y a pas de zakat. Car l'excuse de qui ? De Khalid ibn al-Walid, dans le fait de ne pas donner la zakat, et soit qu'il ait mis à disposition ses biens dans le sentier d'Allah, ou bien qu'il les utilise. Khamisan jawaz ja'l al-ashya'i waqfan lillah ta'ala wa fi sabilih. Cinquièmement, on retient qu'il est autorisé de mettre à disposition des choses et de les donner pour Allah et dans son sentier. سادسا أما الاعتذار عن العباس فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه ويبعد أن يمنع العباس الزكاة لغير عذر. Sixièmement, quant à l'excuse de l'Abbas, il est possible où il y a une possibilité, il n'y a pas une possibilité, une ihtimal, une supposition. Première supposition est qu'il est autorisé de donner la zakat avant. Car, dans l'une des suppositions, Al-Abbas n'a pas donné car il aurait donné la zakat de 2 ans en avance. Donc il est autorisé de donner la zakat en avance. Mais par contre, il n'est pas autorisé de la retarder. Et la deuxième supposition est l'autorisation de prendre en charge la zakat pour celui pour qui elle n'est pas obligatoire. De prendre en charge la zakat. Tu prends en charge la zakat de quelqu'un qui, pour toi, n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire pour lui, mais elle n'est pas obligatoire pour toi. Et Cheikh Al-Bassam dit, et il est très peu probable que l'Abbas s'est abstenu de donner la zakat sans excuse. Donc c'est soit l'une des deux raisons. Soit parce qu'il a donné en 2 ans, il a donné la zakat de 2 ans en avance, ou soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la responsabilité de donner la zakat pour lui. Sabi'an ta'zimu l'am wa kabiru haqqihi li'annahu bimanzilati l'ab. Septièmement, le retient de ce hadith, l'immense importance de l'oncle paternel et les grands droits qu'il a, car il a la place du père. Il est semblable au père. On va s'arrêter ici, inshallah. On continuera dimanche prochain, on terminera le livre de la zakat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.